Herweg, vision ou le jugement de l'Allemagne. J'eus en rêve une vision étrange. Dieu, jetant ses voiles, appelait chaque nation à son trône semé d'étoiles. Tous les peuples, bons et mauvais, parurent chargés de menottes, anglais, russes, puis les français, mais, comme toujours, sans culottes. Je vis même la Mongolie et la Pologne peu s'en faut, mais au Seigneur qui rien n'oublie, les Allemands faisaient défaut. Où s'attardent mes Allemands? Baillent-ils sous la terre glaise? Mais depuis leurs enterrements, ils ont pu dormir tout à l'aise. Il fait sauter un ange à terre pour amener ses grands dormeurs. L'ange galopa ventre à terre, l'air était calme et sans rumeur. Allemand, vous lèverez-vous? Voyez, l'éternité commence. L'ange soufflait dans le silence qu'on l'eût rangé parmi les fous. Avant qu'il les trouvât en masse, tout peuple recevait son prix. Les Allemands n'avaient pour place ni l'enfer ni le paradis. Chanson de cavalier. L'épaisse nuit enfin nous quitte, nous trottons fort, nous trottons vite, nous trottons pour périr. Que du matin la brise est aigre, hôtesse, encore un verre allègre, puis mourir, puis mourir. Jeune gazon qui, vert, repose, tu fleuriras ainsi que rose, mon sang doit te rougir. Le premier coup à la patrie je le bois, puisqu'elle me crie de mourir, de mourir. Vite un second et sans histoire, à la liberté je veux boire ce trait plein d'avenir. Pour ce rubis j'en fais la nique au Saint-Empire germanique, puis mourir, puis mourir. À ma belle, le verre est vide, le boulet part, le fer décide, les têtes vont revenir. À l'ennemi suce encore, au bonheur sous l'œil de l'aurore, de mourir, de mourir. Le trompette mourant. Foin du diable qui m'a fait choir, comment la lance polonaise, comment le sabre sans me voir, pourront-ils danser à leur aise? Souvent, souvent j'étais debout, au sein des éclats du tonnerre, je me flattais par avant-goût de sonner la fin de la guerre. Je me flattais lorsque la mort sifflante volait sur ma tête, je me flattais dans la tempête, je me flattais et j'avais tort. Pour calmer, mon âme éperdue, mes amis, vous dont je suis fier, prenez mon clairon, jouez l'air, la Pologne n'est pas perdue. Jouez-moi sur mon instrument, que j'y donne un reste d'haleine, rendez au jour du jugement, je sonnerai de gorge pleine. Quand Dieu soulèvera la terre que recouvre le frais gazon, d'abord dans son linceul austère, il réveillera le clairon. Quelle fête alors, camarades, je sauterai hors du tombeau, j'allumerai plus d'un flambeau contre le russe et ses bravades. Monsieur Herweg est maître d'une forme puissante et impérieuse, et une âme ardente se révèle dans tous ses vers. Au milieu de ses champs bénis de Souabe, au milieu de ses vallées parfumées d'idylles, on entend rugir comme un incendie les flammes rouges de ses chansons. Saint-René Taillandier.